Après avoir réfléchi lundi au contrôle du corps des jeunes filles au 19e siècle, puis écouté hier le documentaire d'Anaïs Quien et de Françoise Camard sur la surveillance des pratiques sexuelles à la veille de la Grande Guerre, aujourd'hui un documentaire sur le rapport Simon sur la sexualité des Français. Pierre Simon, disparu en 2008, est un médecin, gynécologue français, auquel Emmanuel Pierrat vient de consacrer une belle et riche biographie parue aux éditions Don Quichotte, dont le titre est « Pierre Simon, médecin d'exception, du combat pour les femmes au droit de mourir dans la dignité ». Il est un des personnages clés de la libération sexuelle en France, car grâce au rapport qu'il a remis sur la sexualité des Français en 1972, 4 ans après mai 68 et 5 ans après la loi Neuwirth, pour laquelle il avait milité en faveur de la contraception en compagnie du mouvement du planning familial dont il était un des fondateurs, eh bien il a permis, grâce au rapport Simon de 1972, de prendre conscience d'une nouvelle façon d'envisager la sexualité dans la France des années 70. C'est un documentaire qui est signé Christine Robert et Séverine Yatard, avec les témoignages de Pierre Simon, Jean Gondrenaud, Simone If, Jacqueline Cannes-Nathan, Lucien Mironner et Suzanne Kepes. Couple témoin. Bonjour Claudine, Jean-Michel, prenez leurs bagages. Suivez-moi, je vous attendais. Venez par ici, c'est par là. Vos cabines, vous vous déshabillez complètement. Ensuite, vous me rejoignez à la salle des contrôles. Le rapport Simon, ou la sexualité des Français en débat. Ce dont je me souviens le plus précisément, c'est qu'un jour, en réunion de planning à l'Institut français d'opinion publique, le directeur général de l'époque, Roland Sadoun, m'a demandé à moi s'il me semblait possible de réaliser une enquête sur le comportement sexuel des Français. Moi, ça me semblait tout à fait possible et par défi, je lui ai répondu oui. Il existait des moyens d'interroger, de faire parler les gens en s'assurant une certaine sincérité dans leurs propos. Et j'avais lu peu de temps auparavant le rapport sur le comportement sexuel de l'homme américain de Kinsey, que j'avais acheté en solde neuf au marché aux puces de Saint-Ouen. Saisissez les données du couple. Prêt. Alors c'était une des premières expériences intéressantes avec les ordinateurs. C'est certainement la première enquête qui a été faite en France. C'est pour ça qu'elle est en même temps historique, puisque personne n'avait jamais fait ça. Vous savez, combien de personnes ont travaillé là-dessus ? 300. Hein, il faut savoir que j'ai monté ça comme on monte une usine. Il y a 270 investigateurs qu'il a fallu fabriquer, parce qu'aujourd'hui on parle de sexe, mais aller parler de sexe en 1960 dans la rue, mais on vous mettait en taule, on appelait un flic. Claudine, Jean-Michel, oui, déshabillez-vous, enlevez vos blouses et collez les épaules contre le mur. Et la partie méthode de cette enquête m'avait beaucoup amusé, intrigué. Parce que j'étais déjà depuis plusieurs années dans les études de marché, les enquêtes d'opinion publique, les enquêtes psychosociologiques, et travailler sur un sujet aussi tabou, aussi délicat, ça n'allait pas évidemment sans poser des problèmes méthodologiques assez excitants pour l'esprit. Et puis tout s'est enchaîné par la suite. Bien. Pourriez-vous, Jean-Michel, nous raconter comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, Claudine? On dînait chez des amis, mais je n'avais pas tellement remarqué. Puis à un moment donné, on s'est regardés tous les deux. On s'est vus, on s'est connus, comme dans la chanson. Écoutez-moi. Nous pensions nécessaire de développer un travail de recherche à dominante sociologique rendant compte d'un état des lieux de la sexualité des Françaises et des Français dans les années 70. Bien, Jean-Michel et Claudine, vous savez pourquoi vous êtes ici. Nous voulons connaître en fait vos désirs, vos angoisses, Nous voulons mesurer le coefficient d'intégration de votre personnalité sociale de base. Je pense que vous ferez tout pour nous aider, et ce faisant, vous aiderez vos concitoyens, vous aiderez la France. Oui, je me suis vraiment, puisque vous demandez pourquoi on ressortait maintenant une émission de faire quelque chose sur le rapport Simon, que je trouve complètement vieux, ringard. Vous pouvez m'éclairer ? Aux États-Unis, Charles Kinsey fait paraître en 1948 les résultats de la première grande enquête quantitative sur les comportements sexuels des Américains. À cette recension des mœurs sexuelles succède, au milieu des années 60, la publication d'une étude physiologique des réactions sexuelles menée par un médecin, William Masters, et une psychologue, Virginia Johnson. Au lendemain de mai 68, Pierre Simon, gynécologue, Jean Gondonneau, sociologue, Anne-Marie Dourlin-Rollier, juriste, et Lucien Mironner, statisticien, entreprennent de réaliser une vaste enquête d'opinion sur le comportement sexuel des Français. Le rapport Simon, publié à la fin de l'année 1972, tente de saisir la sexualité à travers sa dimension sociologique. Pour cerner, nous dit Pierre Simon, les normes de la sexualité occidentale afin de procurer à ceux qui exercent une fonction de médiation sociale un outil d'éducation sexuelle. L'opération répond à une demande institutionnelle largement inspirée par le mouvement français pour le planning familial. La demande d'information et les revendications pour une libéralisation de la sexualité provoquent débats et conflits au sein de la société. Toutes les tribunes de mai 68 disaient « Faute d'un rapport sur la sexualité française, on ne sait pas où on va ». Pierre Simon. J'ai pris la décision d'essayer de faire un rapport sur la sexualité des Français. Or, à cette époque, il n'existait qu'un seul rapport connu, c'était celui de Kinsey aux États-Unis, avec l'État qu'on lui connaît, mais il n'en existait pas. Donc il a fallu, un, faire valoir l'idée. Auprès de qui, l'idée ? Des pouvoirs publics. Et puis deux, il fallait trouver de l'argent, parce que ça coûte une fortune, et que aucun éditeur ne voulait se mouiller à ses frais. Il a fallu essayer de trouver de l'argent, et comme vous avez vu sur la dernière page, finalement j'ai trouvé l'argent chez Jean Prouveau, et Jean Prouveau qui était le Lainier du Nord. C'est-à-dire, si j'avais été aux États-Unis, j'aurais eu une fondation qui m'aurait financé, ce qui fut le cas de Kinsey. Et c'est eux, Jean Prouveau et d'autres, qui ont joué le rôle assuré ailleurs par de grandes fondations. Alors on dit aussi que la franc-maçonnerie a joué un rôle important. Voilà, c'est une longue histoire. La réalité, c'est que la société française était une société bloquée. Les premières tentatives de rédaction de projets sur la contraception remonte à 1954. Moi, j'étais avec les radicaux socialistes, en particulier de ce qu'on appelait les jeunes turcs, de Mendès, etc. Et la franc-maçonnerie était le fil, finalement, de ma réflexion, puisque, d'ailleurs, j'en suis devenu le grand maître au terme de quelques années, et j'ai assumé deux mandats de grand maître. Ces mandats de grand maître, je les ai effectivement mis à profit dans le fil de l'histoire du comportement sexuel des Français. Mon analyse avait été la suivante. Il existe un impact de la technique sur la morale. Et la morale, c'est aussi ce qui inspire le législateur. C'est le principe d'une démocratie. C'est la morale du plus grand nombre qui dicte la loi. On a commencé avec l'accouchement dit sans douleur. C'était la première phase et la plus importante. C'était d'avoir montré pour un corps médical qui était usé et surtout qui était l'apanage d'une certaine branche de la droite traditionnelle française incrustée dans des dogmes pour lesquels la vie est un don de Dieu et dans lesquels la médecine s'exerce dans une tour d'ivoire. Eh bien, le principe de l'accouchement sans douleur a permis de briser un premier tabou. La radiodiffusion télévision française présente « Tu enfanteras sans douleur ». Et qu'est-ce que c'était que la brèche ? Eh bien, c'était de montrer que la douleur, on s'est servi de l'accouchement par exemple, était le fruit d'une perversion sociale. Le Monde comme il va, juin 1954. 11h20, c'est le moment même de la venue au monde. L'enfant est complètement descendu. La jeune maman en est à sa 13e poussée. Elle est parfaitement consciente et applique à la lettre les ordres du médecin. Inspirez d'abord à fond avant de pousser. Allez-y, bloquez et poussez. Les coudes écartés. Allez-y, allez-y, allez-y, allez-y. Continuez, continuez, continuez, continuez, continuez, continuez, continuez. Voilà votre enfant, c'est un garçon et il crie immédiatement. Eh bien, en modifiant l'impact du monde du dehors, c'est-à-dire l'impact social, en expliquant à la femme qu'elle n'a pas péché, mais que la sexualité a été un acte normal, que la procréation est un acte de joie et non pas une pénitence, comme le voulait l'Église, eh bien, on a transformé le mental. Et finalement, il y a eu un impact du social sur le physiologique, parce qu'elles accouchaient mieux. Voyez votre petit garçon. C'est formidable. Le schéma, c'était accouchement sans douleur, contraception, sexualité, et l'avortement n'est venu qu'après. J'étais déjà tout à fait spécialisée dans ces problèmes. Jacqueline Cannatan. Puisque moi, j'ai commencé à exercer la médecine en 1957. Je me suis intéressée à la contraception tout de suite, puisque j'ai fondé les premières consultations de contraception à la Mutuelle de l'Éducation nationale, qui ont été des contraceptions extrêmement utiles, très efficaces et très nombreuses. Donc j'étais déjà complètement dans le bain, j'étais déjà partie en Angleterre voir comment se passait la contraception, ce qu'on donnait aux femmes, quels conseils on leur donnait. J'étais déjà, même avant la pilule, très au courant des problèmes contraceptifs en France et de la prévention de l'IVG. Il y avait, si vous voulez, deux tendances dans la médecine. La gynécologie médicale était très mal représentée, qui considérait comme une partie négligeable de l'activité, et la gynécologie était essentiellement obstétricale. Et nous avions, comme président du Conseil de l'Ordre en France, un professeur de gynécologie qui s'appelait Monsieur Merger, et qui a dit « la contraception n'est pas un problème médical, jamais je ne donnerai de conseil de contraception à une femme. Et je ne serais amené à intervenir que pour faire respecter cette loi, c'est-à-dire à intervenir de façon punitive. » Et ça, c'était en 62. C'était déjà, donc avant 68 peut-être, mais enfin c'était déjà à une époque où la pilule existait depuis 6 ans. Et alors, il faut quand même se rappeler qu'en mai 68, que le Parlement en réalité était dans la rue. C'était dans la rue que l'on réclamait des textes et que le gouvernement cédait ou non aux pressions de la rue. Et une des revendications majeures était la sexualité. Ce qui se déroulait aux États-Unis à ce moment-là, c'était Kennedy qui était président, et Kennedy a dû faire face au Black Power et au Green Power. Alors il y avait deux attitudes, où on les combat, et ça donne du désordre, où on essaye de les absorber, et c'est l'idéologie dominante qui les absorbe et qui se modifie. Et cette technique semble avoir été la meilleure, et c'est celle qu'il m'a enseignée. Donc l'idée de ce bouquin, et c'est ce en quoi mes collaborateurs n'y sont pour rien, mais ça n'empêche pas qu'ils ont fait la plus belle part du livre, mais l'idée de ce livre, c'était d'être l'artisan d'une récupération, ce qu'on appelle en sociologie politique un phénomène de récupération, c'est-à-dire qu'il doit être absorbé par l'idéologie dominante. Et c'est ce qui vous explique que mon livre est préfacé par le ministre de la Santé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un du gouvernement qui prenait acte et qui voulait bien cautionner au nom du gouvernement implicitement cette modification, l'irruption de la sexualité dans la vie politique et de la vie politique, bien sûr, à la vie sociale. C'est-à-dire que tout allait avoir un phénomène donc de systémique. Il fallait changer les lois, changer l'enseignement à l'école, changer les lois dans les tribunaux, la caserne, la médecine, bien sûr, etc. Donc toute la société allait bouger. Mais vous la faites bouger comment ? Mais parce que il faut passer par le Parlement, puisque l'avortement et avant la contraception étaient interdites. Alors, il fallait faire des propositions de loi. C'est là qu'avec le génie de Lucien Neuwirth, nous avons écrit des textes. Ainsi, M. Neuwirth, promoteur de la loi sur la contraception, a de nouveau attiré l'attention sur le problème la semaine dernière à l'Assemblée nationale. France Inter, 10 novembre 1972. La loi sur la régulation des naissances est non seulement inachevée, mais abusivement freinée. Les conséquences d'un tel état de choses sont déjà catastrophiques et demain, vous ne pourrez plus les maîtriser. Alors, les adversaires de la planification des naissances auront gagné. Belle victoire de l'ignorance sur la connaissance, de la mort sur la vie, de la maternité brisée sur la maternité heureuse. Et c'est aussi l'argent qui aura gagné, car c'est lui qui entretient et développe les névroses nées de la méconnaissance de vérité que l'on veut étouffer, comme il prospère des avortements clandestins, qu'ils soient made in Great Britain ou consommés chez nous sur des tables de cuisine. Depuis sa fondation en 1956, le mouvement pour la maternité heureuse, devenu le mouvement français pour le planning familial, œuvre pour la légalisation de la contraception. Malgré un courant d'opinion favorable, les divers projets de loi tendant à libéraliser la contraception, présentés à l'Assemblée nationale, sont rejetés. La loi Neuwirth, votée en décembre 1967, autorise enfin la vente et l'utilisation de moyens contraceptifs, mais maintient l'interdiction de toute propagande antinataliste. Freinée par l'Église catholique, hostile à la libéralisation de la sexualité et la droite traditionnelle, les décrets d'application de la loi ne seront publiés qu'en 72. Le succès des centres du planning familial, de l'émission de Ménie Grégoire sur RTL ou de la toute jeune revue Union révèle ainsi l'ampleur des interrogations et du malaise que suscite la sexualité. Jean Gondoneau. Le planning familial, avant la loi Neuwirth, pour ses adhérents, était légitime pour faire un travail d'information. Et s'agissant du titre 2 de la loi, celle qui dit comment s'organisent les centres de planification familiale, que nous appelons nous au planning familial, en tant qu'association les centres d'orthogénie, eh bien, à Rouen par exemple, ces consultations de contraception fonctionnent, comme elles fonctionnent ensuite à Paris rue Vivienne, comme elles fonctionnent à la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale avec le docteur Boutet-de-Montvel. Ces consultations ont fonctionné alors même que la loi n'était pas votée. J'avais déjà été révoltée par rapport à la contraception, de l'ignorance dans laquelle on tenait obligatoirement les gens et le corps médical. Simone If. Quelles étaient ces barrières au niveau de la connaissance? Vous voyez, ça c'était... Donc, le planning, quand il a pris un peu cette dimension, a fait des stands sur les marchés avec des contraceptifs, et puis pour les toucher, démystifier quelque chose de complètement interdit. Moi, j'ai des tas de souvenirs comme ça de la demande des femmes. Elles ne savaient absolument pas comment elles étaient faites. Je me rappelle une dame qui vient avec sa fille de 16-17 ans. Et on sortait pas des planches dans nos box d'accueil pour bien montrer. On dessinait un utérus, les trompes, le col, donc où rentrer le sperme, comment les barrières pour la contraception. Donc un petit dessin qui n'avait rien de très. Et avant de partir, donc ce papier, j'allais le mettre à la corbeille. Elle me dit, ça vous ennuierait pas de me le laisser? C'est la première fois que je comprends comment je suis faite. Je voudrais le montrer à mon mari. Alors que voilà, moi, ce que ça m'a rappelé. Je me suis demandé, mais voyons, en 72, où est-ce qu'on en était? En 72, le docteur Carpentier a été condamné par l'ordre des médecins, 2 ans d'interdiction pour son tract qui disait « Apprenons à faire l'amour ». Interactualité Magazine, Yves Mourouzi. Bonjour. Voilà, je dois vous dire que nous avons autour de nous quelques jeunes filles particulièrement amusantes, parce qu'elles sont assez sympathiques, et elles sont en train de nous réclamer. Voilà, avortement, contraception livrée gratuite, au cas où vous n'auriez pas compris. Et on était devant des murs. À un moment, il faut faire scandale. Le rapport Simon a été publié à un moment où de nombreux problèmes sont apparus. Jacqueline Cannaton. Ça a été le début, parce qu'en 72, c'était le début du moment où tous les problèmes féminins qui existaient auparavant, mais qui étaient tus, ont été étalés au grand jour. Il y a eu le manifeste pour l'avortement des 300 femmes dans l'Observateur. Il y a eu le procès de Bobigny qui a été d'un impact considérable certainement sur pour la liberté de l'avortement. Il y a eu des tas de choses où on en a parlé, où c'est devenu officiel, où ça a cessé d'être tabou et secret pour être un problème de société. En 72 aussi, le planning qui n'avait aucune subvention de l'État, Simone Yves. Ministre Boulin n'avait pas pensé nécessaire qu'on ait quelque chose pour vivre. On avait 400 000 francs de la caisse d'allocation familiale, ça nous a été supprimé cette année-là. Allait se créer le Conseil supérieur de l'information sexuelle par Neuwirth. Le planning n'est pas nommé, alors qu'on avait à ce moment-là 100 000 adhérents. C'était quand même... c'était le planning qui faisait tout le travail en France sur la contraception, donc sur la sexualité. Une note de la Commission épiscopale de la famille et des communautés chrétiennes porte un titre « L'érotisme et le sens de l'homme ». France Inter, 6 janvier 1972. Nous avons demandé aujourd'hui au chanoine Meuillet de venir, au nom de l'archevêché de Paris, de nous dire pourquoi cette note sur l'érotisme et le sens de l'homme a-t-elle été publiée en ce mois de janvier 1972. Si l'Église a toujours reconnu que la sexualité était bonne, il s'agit malgré tout, au milieu de tout ce que l'on voit et de ce que l'on entend, d'arriver à une certaine maîtrise de la sexualité. Il est certain que, dans la mesure où une civilisation se permet, sur le plan de l'érotisme, de supprimer toute barrière, il y a certainement une décadence qui atteint une civilisation. 72, c'était quand même 4 ans après 68. C'était quand même 2 ans et demi d'action du MLF. Et donc, c'était quand même une toute autre approche de la sexualité que celle qu'on trouve dans le rapport Simon. Dans le cadre de son émission Carte Blanche, Lily Sioux donne le feu vert à... Ce soir, le docteur Pierre Simon. France Culture, 6 juillet 1971. Je vais partir dans 3 semaines terminer ce rapport, monsieur le professeur Lvov, que nos institutions ont secrété, qui est le comportement sexuel des Français, qui est le rapport Kinsey, que la sociologie espère ou attend, et auquel un nombre de nos collaborateurs du mouvement français pour le planning familial, auquel nombre de ces collaborateurs ont participé. Il y a là toute une équipe de mathématiciens, de statisticiens, de sociologues, médecins, juristes, et démographes qui participent à cet ouvrage. Par conséquent, c'est véritablement la première expérience mondiale à grande échelle qui est faite avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Je pense que sur le plan de la société, cela nous apportera des connaissances fondamentales. Le rapport Simon, c'est en quelque sorte le travail que j'ai soutenu de doctorat. Le sujet du doctorat étant le rapport sur le comportement sexuel des Français. Jean Gondonneau. Alors, en France, si vous voulez, il y avait eu des travaux de Linette, notamment, qui étaient intéressants à noter. Et puis, il y avait eu des enquêtes qui avaient été faites par l'IFOP sur la française et l'amour, par exemple. La sexualité, c'était l'affaire des médecins. Mais traiter la sexualité dans sa dimension sociologique et aborder la relation sexuelle comme je le montre dans cet ouvrage, comme collectivement nous le montrons, comme une forme élaborée de la relation sociale, c'était effectivement relativement original. Car en fait, pour moi et pour mes amis, pour nous tous, à la réflexion, nous considérions bien que ce qui se jouait dans la relation sexuelle, c'est ce qui se joue de manière plus générale dans la relation sociale, mais avec là, évidemment, une importance très grande pour la personne et pour son positionnement et dans le couple et dans la société. La société influe sur les comportements individuels, les comportements individuels se modifient dans des relations, notamment au niveau du couple, ou dans des relations entre les parents et les enfants, et c'est bien tout ce champ-là qu'il s'agissait d'aborder pour ne pas voir uniquement la sexualité, j'allais dire, dans ses aspects physiologiques et fonctionnels. Il ne faut pas confondre, il y a un chapitre qui est consacré à ça, rapports et relations sexuelles. Je n'ai pas relu ce questionnaire depuis Mais depuis une trentaine d'années, parce que... Lucien Mironner. Je ne dis pas que ça m'intéresse plus, cette enquête. Non, j'en ai gardé un excellent souvenir, mais je ne me souviens plus très bien de ce qu'il y avait, des questions qui figuraient dans le questionnaire. On peut les lire. Je tombe sur une question, là. Pensez-vous que des rapports sexuels réguliers soient nécessaires pour se porter bien ? Votre vie sexuelle depuis un an ? Naissance et contraception ? Votre opinion sur la sexualité ? En matière sexuelle, on connaissait les réticences que les gens pourraient éprouver à s'exprimer là-dessus. Puis il y avait un problème de la formulation des questions et du mode d'administration. On disait d'ailleurs beaucoup à l'époque la vie affective et sexuelle. Ça n'était jamais la vie sexuelle. Donc, il y avait un certain, protocole, oui, d'enquête, en posant oralement toutes les questions posables, et puis par écrit, des questions un petit peu plus ou même tout à fait délicates, mais on lui demandait d'y répondre lui-même s'il le voulait, il n'était nullement contraint. Puis une fois qu'il avait fini, il mettait son questionnaire dans l'urne, une urne scellée. Donc tout se passait bien. Je crois qu'on l'a posé l'équipe, Pierre Simon, Jean Gondonneau, Anne-Marie Dourlin-Rollier et moi-même, on a posé toutes les questions qu'il semblait utile à Pierre Simon de poser à l'époque. Nous avons travaillé pendant, de mémoire, je dirais 2 ou 3 ans. Et je peux dire que lorsqu'on a travaillé pendant 2 ans sur la formulation d'une question, qui est l'outil du sociologue, elles sont surtout, dans le cas précis, suffisamment ouvertes pour que les gens s'expriment et suffisamment fermées pour qu'on puisse mesurer un certain nombre de choses, le nombre de rapports sexuels ou le type de moyenne de contraception utilisée, etc. Et donc, en plus, dans la question, il ne doit pas y avoir d'induction de la réponse. Les questions visant à proscrire, c'est « faut-il, doit-on, n'est-il pas nécessaire ?» ou pire, « à votre avis, ne pensez-vous pas avec moi que ?» Et on a fait extrêmement attention à être à la fois précis et en même temps à éviter, autant que nous le pouvions, de choquer les personnes que nous interrogions. C'est évidemment celle sur les positions sexuelles, la masturbation et l'homosexualité. Vous est-il arrivé dans votre vie de vous masturber ? Oui, il y a moins d'un mois. Quand la dernière fois ? Vous est-il arrivé au cours de votre vie de ressentir le plaisir sexuel, c'est-à-dire d'éjaculer durant votre sommeil ou au cours d'un rêve ? Dans un interview à un journal, je crois que c'est Simon ou Gondonneau. Simon Yves. Puisque la documentation du planning m'a donné toutes les revues de presse de l'époque, qui fait état que les intervieweurs étaient tellement gênés qu'il leur a fallu un certain nombre de séances de formation, parce qu'eux-mêmes, devant certaines questions, avaient de la peine à le dire. Quand on a de la peine à le dire, il est sûr que l'autre aura de la peine à y répondre. Ouais. Alors, qu'est-ce que je lisais à l'instant ? Pensez-vous que des rapports sexuels réguliers soient nécessaires pour se porter bien ? Réponse oui, non, vous ne savez pas. Position sexuelle. Pour simplifier, distinguons 6 catégories. La femme est étendue sur le dos et l'homme est allongé sur elle. L'homme est allongé, étendu sur le dos, la femme est allongée ou assise sur lui. 3, l'homme est allongé sur le dos de la femme. 4, l'homme et la femme sont assis. 5, l'homme et la femme sont debout, haute position. Et ensuite, évidemment, on demandait, avez-vous déjà adopté la position 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ? Question suivante. D'après ce que vous savez ou ce que vous croyez, diriez-vous que se masturber, c'est-à-dire arriver au plaisir sexuel en se caressant soi-même, n'est jamais mauvais pour la santé, que cela dépend du nombre de fois où on la pratique, que cela est toujours mauvais pour la santé, vous ne savez pas. Bon, des questions de ce genre. Et est-ce qu'il y avait eu une formation des enquêteurs ? Alors, il y a eu une formation des enquêteurs. Il faut le savoir, dans les instituts de sondage, les enquêteurs n'ont pas reçu une formation à l'entretien cliniques, ni même aux techniques sociologiques, aux méthodes sociologiques. Donc ce qu'il fallait surtout, c'était rassurer les enquêteurs, les familiariser avec le contenu, le sujet de l'enquête. On les a réunis et on leur a fait lire à tour de rôle, chacun, l'un après l'autre, toutes les questions du questionnaire. Et ils ont pu se rendre compte, en lisant chacun une question, l'un après l'autre, que toutes les questions qu'ils auraient à poser oralement étaient des questions posables, qui n'étaient pas susceptibles de les faire rougir, ni de les gêner, ni de gêner leur interlocuteur, et que toutes les questions délicates, scabreuses, qui figuraient dans le questionnaire écrit, effectivement, celles-là étaient délicates, mais ils n'auraient pas à les poser par oralement. Je me souviens que dans ces séances de briefing, il arrivait couramment qu'un enquêteur lise sa question et enchaîne sur la suivante parce qu'il la jugeait trop délicate pour sa voisine. Alors pour lui éviter d'avoir à poser la question « quelle est la longueur d'un membre masculin en érection ou je ne sais quoi », il la pose lui-même, il la lisait lui-même. Voyez-vous, ça, on assistait à des petites scènes comme ça qui étaient assez touchantes, assez amusantes. Nous entraîne dans la ronde, la ronde des désirs qui ne peut finir qu'en mourant de plaisir. Alors l'autre critique que je fais qui est encore plus importante, Simone If, c'est que ce questionnaire a été fait par des hommes et c'est une recherche d'hommes sur la sexualité. Ce questionnaire aurait été préparé, j'allais dire, si on avait décidé de le faire au planning et que les conseillères, les animatrices du planning aient vraiment participé et demandé quels objectifs, qu'est-ce qu'on voulait connaître. C'est certainement pas ça. Parce que alors, les positions, mais qu'est-ce que ça intéresse, le nombre de positions pendant l'acte sexuel ? Mais c'est vraiment une vue masculine, incroyable, le nombre de partenaires, enfin, c'est tout sur le quantitatif. Enfin, est-ce que c'est ça la recherche du plaisir, de l'entente ? Le planning avait autre chose à dire. Et là aussi, une déception sur le rapport Simon. Je me suis dit quand même, il n'y a rien sur les relations forcées, le viol. Au niveau des femmes, c'est... Alors que quand même, bon, c'est vrai que moi, j'ai après 10 ans d'écoute, 12 ans à SOS Viol, ces femmes qui ont répondu, cette dimension, on aurait pu leur demander, comme celui qui a été fait. Dans votre jeunesse, avez-vous subi des agressions sexuelles, des attouchements, l'inceste, quand on voit le nombre. Bon, et ça, quand même, c'est des questions qu'on se posait au planning. Durant l'été 1970, 2625 enquêtés, hommes et femmes âgés de 20 ans et plus, acceptent donc de répondre aux quelques 300 questions posées. L'échantillonnage choisi a été constitué à partir de la méthode des quotas pour respecter les données sociodémographiques et assurer ainsi une représentativité. Suite au dépouillement des deux questionnaires, oral et écrit, les auteurs du rapport proposent en premier lieu une analyse des réponses question par question concernant les trois domaines de questions prédéfinies. La formation sexuelle des Français, leurs attitudes à l'égard de la sexualité et leur comportement. Si vous voulez, quand on dépouille les résultats d'une enquête, quel qu'en soit le sujet, on peut, pour chaque question, dénombrer les réponses de chaque sorte. Lucien Mironner. Tant de oui, tant de non, tant de beaucoup, tant de assez, tant de pas peu, tant de pas du tout. Ça, c'est du comptage. Bon. Et puis, avec ça, déjà, on a une idée de la tendance dominante, de ce qui l'emporte et de ce qui est minoritaire. Mais quand on pose 36 ou 100 questions de ce genre, chaque arbre cache la forêt. Jean Gondonneau. La lecture des réponses aux questions est un long questionnaire écrit oral et un petit peu fastidieuse. Et on avait essayé avec Mironner et l'ensemble de l'équipe de trouver un résumé permettant de regrouper certaines caractéristiques que l'on retrouvait. Et c'est surtout grâce à Lucien Mironner, je crois que nous avons utilisé une formule qui a été la première fois qu'elle a été faite, c'est ce qu'on appelle la typologie, selon les pourcentages que nous avons trouvés et que nous fournissaient les machines. Je suis en train de chercher ça. Voilà. Alors, je tombe là-dessus. Ça, c'était assez amusant aussi. Ça a permis d'y voir plus clair. Dans la typologie des attitudes, pour les hommes, on a distingué les censeurs puritains, les détachés bienveillants, les dévots conjugaux, les tolérants réservés, les libéraux modérés, les curieux disponibles, les idéalistes du couple. Dans la typologie des comportements, pour les hommes, on distinguait les vierges, les muets, les anciens, les actifs classiques, les imaginatifs tempérés, les fidèles heureux, les égoïstes expérimentés, les jouisseurs satisfaits. Bon, pour les femmes, on avait, ça vous amuse que je lise ça, les censeurs réalistes, les pudiques à principe, les indifférentes, les puritaines, les épouses éclairées, les narcisses jeunes, les sensuelles. Et au niveau des comportements, les vierges, les muettes, les anciennes, les femmes de devoir, les tempérées, les actives, les orgastiques. C'est une manière, si vous voulez, imagée de définir des attitudes et des comportements. On a regroupé pour ces groupes un certain nombre de caractéristiques et ça permettait à ceux qui lisaient d'essayer de se situer d'une manière un peu plus rapide que par un épluchage de toutes les questions. En novembre 1972, une version exhaustive de quelques milliers de pages, ainsi qu'une version condensée, beaucoup moins épaisse, rendent compte des objectifs, de la méthode et des résultats de l'enquête. Sous l'accumulation quelque peu rebutante de tableaux, de chiffres, de moyennes et de médianes, se profile une réflexion sur l'homme aux prises avec son propre bonheur. Je me souviens qu'il a eu tout de même un certain... Jacqueline Cannatan. De certaines répercussions. Je me souviens d'une grande page dans Le Monde, par exemple, sur ce rapport. Ça, je m'en souviens encore. Peut-être n'a-t-il pas eu, au moment où il est sorti, l'écho qu'il méritait. Mais il a été intéressant parce que il a montré un instantané de la société française post-68 Arde concernant la sexualité des jeunes et l'âge du début des premiers rapports, la nécessité de la contraception, la nécessité de l'information sexuelle. Il est plus venu confirmer ce que je pensais que m'apporter quelque chose, étant donné que j'étais déjà en 72 tout à fait spécialisée dans ces problèmes. Oui, alors le rapport Simon, d'abord, il m'a fait plaisir parce qu'il a été écrit par deux amis. Suzanne Kepes. Que de toute façon, ce rapport allait être lu par le grand public et donc contribuer à faire connaître le planning familial. Et moi, naturellement, je l'ai. Pierre Simon me l'a envoyé au Gondonneau, je ne sais plus. Et je l'ai mis dans ma bibliothèque et je le consultais à l'occasion. Mais ça ne répondait pas aux questions que je me posais. Ma question, c'était de voir si c'était des gens qui comprenaient l'acte sexuel dans toutes ses dimensions, si sur le plan psychiatrique, ils étaient de tendance hystérique, de tendance obsessionnelle ou de tendance paranoïaque. Parce que tout le monde est quelque chose. La normalité n'existe pas. Et pour les médecins comme moi, c'était, rassurant de voir qu'on faisait un cadre de tous ces cas-là que moi j'ai examinés individuellement. Eux, c'était leur but de donner un cadre. Et ils ont bien rempli ce but. Et moi, je voulais savoir ce qu'il y avait dans ce cadre et comment on pouvait aider les gens. Mais c'est en se préoccupant de la contraception des femmes qu'on est obligé d'être confronté à leurs problèmes sexuels. Et c'est ainsi que moi, de la contraception, je suis passée à la sexologie. Jacqueline Cannatan. Et j'ai trouvé en m'intéressant à ce problème tout à fait extraordinaire que toutes mes études aient occulté un problème aussi important qui fait la moitié de la gynécologie, au moins. Et qui était complètement occulté. Dans ma génération, n'ont appris et la contraception et la sexologie que volontairement des femmes médecins qui ont voulu faire des formations continues. Mais la faculté ne leur a rien apporté. Je trouve ça énorme. Il n'y avait pratiquement que de l'obstétrique. Et ce problème n'est pas réglé aujourd'hui. La gynécologie médicale est une exception française. Et que dans l'Europe, il n'y a pas de gynécologues médicaux. Ce sont des obstétriciens qui se chargent de la gynécologie médicale. Autant dire qu'ils la font comme quelque chose de méprisable et de secondaire. Pour eux, la femme est quelque chose qui est destiné à avoir un utérus et à mettre des enfants au monde, mais elle n'est pas destinée tellement à avoir une vie sexuelle propre, satisfaisante en plus si possible. C'est parce que la sexologie est née de la gynécologie, souvent, le plus souvent, qu'elle est devenue, qu'elle a été d'abord une sexualité pour les femmes. Puis les hommes ont leurs problèmes, bien sûr. Ils se sont souvent ouverts de leurs problèmes aux gynécologues via leurs femmes, en voyant leurs femmes pour parler de leurs problèmes et dire « qu'est-ce que je dois faire, mon mari, à ceci ?» De la fréquence des rapports, de leur insatisfaction, de l'éjaculation précoce du partenaire, de l'impuissance du partenaire, de leur difficulté à avoir du plaisir, oui. Et c'est pour ça que ça a été une sexologie pour les femmes, je dirais plus exactement par les femmes. France Inter, 9 décembre 1975. Nous avons fondé la Société française de sexologie clinique il y a presque 2 ans maintenant pour faire sortir l'information sexologique du ghetto où elle était. Enfin, vous avez fait en sorte surtout que les gens puissent parler, qu'ils n'aient pas peur de vous parler. Bien sûr. Et de dire au médecin, j'ai envie de vous dire ceci, à qui dois-je m'adresser si vous ne pouvez pas m'entendre, vous ? Bien sûr, et en même temps, sensibiliser les médecins et les professions paramédicales eux-mêmes à cette demande. Une enquête réalisée auprès de gens entre 15 ans et 50 ans a montré que 74% des gens privilégiaient le médecin comme confident de ses difficultés sexuelles ou de sa relation conjugale. Et ceci au lieu du prêtre, par exemple, qui recevait ses confessions... Oui, vous êtes confesseur des temps modernes. Qui refaisait ses confessions jadis. Si vous voulez, à l'heure actuelle, les troubles sexuels... Et la maladie conjugale s'inscrit sur le budget des assurances sociales, de plus en plus, à tort ou à raison, mais c'est un fait. Et le médecin n'y était pas préparé. Si bien qu'on, pour reprendre l'enseignement dont vous parlez, nous avons, l'année dernière, à l'hôpital Necker, avec le professeur Netter et le docteur Jacqueline Cannatan, organisé un enseignement de la sexologie clinique médicale qui a été suivi pendant toute l'année par 450 médecins. À la demande de monsieur Netter, j'ai organisé le premier congrès international de sexologie qui s'est tenu à Paris en 1974. Jacqueline Cannatan. Nous avions fait 4 principaux thèmes. Il y avait la physiologie. Et on se référait bien sûr à nos maîtres qui sont Master et Johnson, qui sont tout de même les premiers à avoir décrit l'acte sexuel, à avoir essayé de faire une description anatophysiologique de l'acte sexuel, sur laquelle on se base encore malgré des atopes. Il y avait la psychologie, il y avait les difficultés sexuelles, il y avait aussi certains problèmes sociologiques. Les jeunes se sont intéressés, ils sont venus en masse, ça a été énorme. Et ça a attiré l'attention sur l'importance de la sexologie en gynécologie et dans les autres spécialités. La sexologie, elle naît d'autres spécialités. En dehors des gynécologues, sont confrontés aux problèmes sexuels les urologues pour les hommes, les dermatologues, le médecin généraliste, le psychiatre et même le généraliste, les médecins de jeunes, les médecins scolaires, les médecins d'adolescents. Donc ils se sont sentis concernés. On est venus à eux, mais ils sont venus à nous aussi. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Sapien, Suzanne Kepes, qui était psychosomaticien et psychanalyste, qui a fondé la Société française de médecine psychosomatique avec Chertok et Aboulker. J'ai encore le numéro du premier congrès européen de médecine psychosomatique qui s'est déroulé à Vittel. Et dans ce congrès, on voyait poindre beaucoup des difficultés du planning familial. C'était qu'est-ce que la sexualité, quand elle ne marche pas, comment ça retentit sur le corps, par quelle voie, et au fond, c'était la mise à nu de deux inconscients s'affrontant dans la relation de couple. Donc il n'y avait pas que le bon contraceptif, il n'y avait pas qu'une bonne écoute, il y avait aussi tous ces sentiments et émotions inconscientes qui venaient s'affronter dans la vie familiale et la vie amoureuse. Donc tout ça, il y a eu à ce moment-là une commission de psychosomatique pour les médecins qui venaient au planning familial, et avec l'aide de Michel Sapir et du professeur Mal, qui était psychanalyste d'adolescents, je me suis occupée de la commission de psychosomatique au sein du planning familial. De sorte que vous voyez les travaux excellents de Jean, de mon ami Jean Gondonneau et de mon ami Pierre Simon, ces travaux-là, je les lisais avec un certain intérêt, mais pas avec passion. Ce que j'ai lu avec passion, déjà dès cette époque, c'est le rapport Kinsey sur l'homme américain, puis 2 ans après, le rapport Kinsey sur la femme américaine, et puis quelques années après, les livres de Master Johnson, Lui était un obstétricien, elle était psychologue. Et j'ai été leur rendre visite plusieurs fois. Ils étaient l'objet d'une suspicion totale de la part de l'université de Saint-Louis. Et pourtant, ce sont des gens qui travaillaient avec minutie. Ils avaient mis au point des petites électrodes qu'ils posaient sur les petites lèvres de la femme et sur le gland du pénis. Et toutes leurs petites micro-électrodes rapportaient des renseignements. Et ils ont découvert une chose importante, la caresse. Ils ont découvert que les gens limitaient trop la sexualité à la pénétration, laquelle pénétration ne marchait pas pour les femmes, puisque la majorité des nerfs érotiques se trouvent dans le clitoris, le capuchon du clitoris, les grandes lèvres, les petites lèvres, et 2 cm à l'entrée du vagin. Que c'est là que la femme est stimulée dans la rencontre sexuelle, et aussi par les caresses sur le clitoris. Mais c'est justement là que pour certaines femmes commencent les difficultés, parce qu'elles ne supportent pas les caresses sur le clitoris, soit parce qu'il y a des préjugés catholiques, ou soit parce qu'il y a des préjugés imposés par par une certaine mentalité masculine, que le vrai acte sexuel, c'est la pénétration. Alors des générations de femmes ont été brimées, accablées par l'ignorance des hommes et la leur propre. Ils ont publié ça, c'était déjà très précieux. Et alors, 2 ans après ou 1 an après, ils ont publié le deuxième livre qui s'appelait « Les réactions sexuelles ». Et là, ils faisaient une analyse de ce qui se passe dans l'impuissance, dans l'éjaculation précoce, dans le vaginisme. C'était infiniment précieux. Et naturellement, ce genre d'ouvrage, pour la clinicienne que je suis, m'apportait plus que la sociologie. Ah, bonjour, Schneider. Monsieur le ministre. Je vous présente le docteur Goldberg, l'éminent psychofuturologue. Et très honoré. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Ah, eh bien, nous allons vous expliquer. Hein? Vous n'avez qu'à me suivre. Bien. Voilà notre équipe. Bonjour. Nous mettons nos compétences au service de l'homme. D'ailleurs, n'est-ce pas Le Corbusier qui affirmait « Rien n'est si proche de l'homme qu'un autre homme ?» Je crois. Eh bien, voilà. Ici, nous observons vivre notre couple témoin. S'il vous plaît. Nous avons fait un travail scientifique qui a la valeur scientifique et qui est devenu un grand classique. Et on a fait une belle œuvre sur le plan sociologique. Voilà une journée type de notre couple. En général, notre couple se lève à 7h20, se couche à 22h45. Consacre 17 minutes à la lecture, 1h47 à la télévision. Ce qui est important, je pense, et c'est une des satisfactions qu'elle peut apporter avec ce livre et toute l'histoire du planning familial et des revues que nous avons irriguées et des associations que nous avons fondées marginalement et des journaux aussi avec lesquels nous avons travaillé, c'est d'avoir réussi à changer une mentalité française qui était anachronique, qui en était restée aux encycliques romaines de la fin du 19e siècle, et d'avoir ouvert à la France, et en particulier aux Françaises, une perspective de vie qui soit conforme à la dignité d'homme doté de raison, c'est-à-dire utiliser son cerveau, le cerveau au service du sexe, réciproquement. Jean-Michel travaille 9h12, Claudine passe 3h17 par jour à faire le ménage, ils ont des rapports 3,6 fois par semaine, Claudine obtient un orgasme une fois sur 3,7. Et dans 13% des cas, Jean-Michel est atteint d'éjaculation précoce. Cette enquête constitue un état des lieux. Je fais l'hypothèse générale que cet état des lieux, lu, observé aujourd'hui, doit certainement apparaître très révélateur d'une naïveté, d'une timidité des Français des années 60 à l'égard de la sexualité qui n'a plus cours aujourd'hui. Si cette même enquête, avec beaucoup d'autres questions qu'il faudrait poser, était faite aujourd'hui, je crois qu'on assisterait à une répartition tout à fait différente des attitudes et des comportements chez les hommes comme chez les femmes. Il y a d'autres normes qui se sont instaurées en matière sexuelle, si vous voulez. Nous avons pu obtenir également d'autres précieux renseignements. Bien, par exemple, le seuil minimum du bonheur, que nous appelons ici le modulor du bonheur psychosocial, est apparemment plus bas qu'on le croyait. Le rapport Simon, ou la sexualité des Français, en débat. Claudine, Jean-Michel, vous devez répondre à la question suivante. Est-ce que vous êtes heureux? Que répondrez-vous? Très heureux, plutôt heureux, heureux, plutôt malheureux, très malheureux, sans opinion. Faire une virée à deux. Bon, on est plutôt heureux. Tous les deux sur les chemins. Avec les témoignages de Pierre Simon, Jean Gondonneau, Suzanne Kepes, Jacqueline Cannes-Nathan, Lucien Mironner et Simon Nif. Et dans le ciel, il y aura des étoiles. Oh, remarque, c'est peut-être un peu fort. Non, mais t'es peut-être seulement heureux. Prise de son, Patrick Muller. Alors je mets heureux. Mixage, Jean-Michel Bernard. Mais t'es heureux, oui. Archives sonores, Jeannette Padziarkowski. On n'est quand même pas malheureux. Tout jouer sur un pari. Vous n'êtes pas malheureux. Et des extraits du couple témoin, un film de 1975 de William Klein. Vous n'êtes pas malheureux du tout. Mais non, il y a des moments où c'est pas toujours facile, quoi. Boire un dernier martini et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Le rapport Simon, une émission de Christine Robert et Séverine Yattar. Donc vous n'êtes pas malheureux. Par moment. Alors je note quoi? Demain, nous nous intéresserons dans une balade dans Paris enregistrée en 2005 avec deux historiennes et historiens, Florence Tamagne et Régis Revenin, au lieu de promenade, au lieu privilégié de prostitution et de rencontres homosexuelles à la fin du 19e et au début du 20e siècle.